Section 18 de la Bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Bête du Gévaudan par Élie Berthé. Chapitre 18. Le chapitre. La chambre de l'abbé de Frontenac était une sombre pièce, lambrissée en châtaignier, ornée de sculptures et de peintures qui représentaient des sujets tirés de la vie des saints. Les fenêtres profondes, garnies de vitraux coloriés, projetaient des teintes bizarres sur 5 ou 6 vieux moines à crâne chauve qui formaient le conseil privé du couvent. Ces religieux étaient assis dans des fauteuils de bois autour de leur habit, vieillards vénérables, dont la tête n'avait jamais été bien forte et dont les infirmités affaiblissaient de jour en jour l'intelligence. À demi couché dans une grande bergère, le chef de la communauté avait les pieds et les jambes enveloppés de couvertures. Cependant, par respect pour l'illustre visiteur arrivé à Frontenac d'une manière si brusque, il s'était fait revêtir précipitamment de sa robe monacale par-dessus des habillements de malade. Il avait remplacé par une mitre d'or sa coiffure ordinaire, beaucoup moins majestueuse, et il avait ordonné qu'on attachât au bras de son fauteuil sa crosse abbatiale. Ainsi, entouré des insignes de sa dignité ecclésiastique, il s'efforçait de prendre un air froid et grave, qui ne pouvait dissimuler entièrement ses angoisses intérieures et ses souffrances physiques. En face de lui, sur un siège plus élevé que le sien, était assis, comme sur un trône, l'évêque chargé d'une mission royale auprès de l'abbaye de Frontenac. L'exiguïté de taille et la faiblesse de complexion de Monseigneur de Cambis contrastaient avec les pouvoirs formidables dont on le disait armé. Il avait fallu glisser un coussin de velours sous ses pieds, qui sans cela n'eussent pas atteint le plancher. Sa figure maigre, osseuse, paraissait douée d'une mobilité singulière. Son regard était vif et perçant, sa voix aigre et sèche, sa parole facile. Il portait la soutane violette, sans rocher, et sa tête aux cheveux rares était couverte d'une simple calotte violette. Malgré son apparence grêle, il y avait en lui quelque chose de fier qui imposait. Sur une table de chêne, placée à portée de sa main, se trouvaient des papiers et des parchemins, dont plusieurs étaient munis de larges sceaux en cire ou en plomb. Quand le prieur entra, l'évêque parlait au chapitre d'une voix étouffée, mais avec une extrême véhémence. Les pères et l'abbé l'écoutaient dans un silence modeste, la tête baissée, les mains cachées dans les amples manches de leur robe. On eût dit d'autant de statues. Cependant, à la vue du père Bonaventure, la sagesse et la force du couvent, les statues s'animèrent. Tous se redressèrent et semblèrent respirer plus librement. Un éclair d'espérance illumina leur visage austère. L'abbé, surtout, parut soulagé d'un poids énorme. Il leva les mains au ciel et dit à l'évêque avec vivacité « Pardon, Monseigneur, voici enfin notre digne père prieur qui pourra répondre mieux que nous à toutes les demandes de votre grandeur. » Et il ajouta en s'adressant à Bonaventure « Ah, cher père, dans quel embarras m'avez-vous laissé? Que Dieu m'assiste, la force m'abandonne. » Et il passa un mouchoir sur son front, baigné de sueur. L'évêque d'Alep s'était tu et examinait avec une avide curiosité le prieur de Frontenac. Celui-ci ne s'émut nullement quand il sentit ce regard inquisiteur attaché sur lui. Il prit tranquillement de l'eau bénite dans le bénitier, qui se trouvait près de la porte, fit le signe de la croix, s'inclina profondément devant l'abbé, puis s'agenouillant sur le coussin aux pieds de l'évêque avec humilité. « Plaise à votre grandeur, dit-il, de m'accorder sa bénédiction pastorale. » Il n'y avait rien là que de conforme au cérémonial en usage à cette époque dans la hiérarchie cléricale. Cependant, l'évêque se retira vivement en arrière. « Un moment, père prieur, répondit-il avec sécheresse, nous verrons bientôt si je dois. Levez-vous et prenez place. Vous nous avez bien fait attendre. » Bonaventure se releva, salua de nouveau, puis alla occuper un siège vide à côté de l'abbé. Il y eut un moment de silence menaçant. Père Bonaventure, prieur de l'abbaye de Frontenac, reprit l'évêque d'Alep en désignant les pièces éparses sur la table. « J'ai déjà communiqué au chapitre les pouvoirs en vertu desquels je dois m'enquérir, tant au spirituel qu'au temporel, de certains événements anciens, déjà, et relatifs à la succession du feu comte de Varinas. Ces pouvoirs m'investissent d'une autorité sans limite pour apprécier les faits dont il s'agit. Voulez-vous jeter un coup d'œil à votre tour sur ces actes ?» Le prieur ne quitta pas sa place et répondit d'un ton modeste qu'il ne songeait nullement à décliner l'autorité de Monseigneur. Pour sa part, il se soumettrait, sans murmurer, à toutes les décisions de sa grandeur. Cette réponse adoucit un peu le prélat. « Il suffit, répliqua-t-il, vous surtout, père prieur, vous êtes intéressé à ce qu'on observe rigoureusement dans cette affaire les formes de la justice. Je ne dois pas vous le cacher dès à présent. Vous êtes incriminé de la manière la plus sérieuse, d'une manière qui compromet non seulement votre caractère sacré de prêtre, mais encore votre réputation d'homme de bien. On assure que vous êtes innocent du crime monstrueux dont vous êtes accusé, et qu'un mot de votre bouche suffira pour vous justifier. Puissiez-vous consentir à prononcer ce mot? Je vous faciliterai autant qu'il dépendra de moi les moyens de prouver votre innocence. Mais si vous ne pouvez y parvenir, attendez-vous à trouver en moi un juge inexorable. » Bonaventure s'inclina de nouveau. Le bon vieil abbé, qui avait repris courage, osa faire une tentative en faveur de son conseiller ordinaire. « Monseigneur, dit-il doucement, notre bien-aimé prieur, je vous le répète, est parmi nous un modèle de sagesse et de piété. Tous nos pères ici présents sont garants de son innocence. « Cela est vrai, Monseigneur, cela est bien vrai, dirent les autres moines avec respect. « Paix, mes pères, interrompit l'évêque, l'esprit de solidarité religieuse vous emporte trop loin, et peut-être devrais-je adresser de graves reproches à la communauté tout entière. Si un seul a commis le crime, tous les autres n'en ont-ils pas profité? Mais il est temps de sortir des généralités. Écoutez-moi donc, et sachez pourquoi je suis envoyé ici avec la charge de lier et de délier, de récompenser et de punir. En même temps, il se mit à exposer en détail l'objet de sa mission. Les faits dont il s'agissait étant déjà connus du lecteur, nous nous bornerons à dire en peu de mots comment s'était formé l'orage qui venait d'éclater tout à coup sur l'abbaye de Frontenac et sur son prieur. Nous savons comment l'acte que Fargeau avait d'abord voulu vendre au père Bonaventure était parvenu entre les mains de La Roche-Boisseau. Possesseur de ce papier, le baron avait tenté de s'en servir pour amener les moines à lui restituer les domaines de Varinas, dont il était l'héritier direct depuis la mort du dernier membre de cette famille. Habilement conseillé par le gris père, il rédigea donc un placé au roi, dans lequel étaient consignés les faits à l'encontre de l'abbaye et de son prieur. Ce placé, accompagné des pièces à l'appui, fut expédié sans retard à Versailles. La Roche-Boisseau, malgré l'état de mépris où il était tombé dans sa province, conservait des amis à la cour. Son titre de baron du Gévaudan et de lieutenant de Louveterie lui donnait crédit auprès de certaines personnes influentes qui avaient pris chaudement sa cause en main. Son placet avait donc été remis au roi et recommandé d'une manière spéciale au chancelier de France. Les circonstances étaient favorables pour une instance de cette nature. Le philosophisme faisait des progrès continuels. Voltaire était une puissance. Les ouvrages de Jean-Jacques Rousseau ébranlaient déjà le vieux monde. Le duc de Choiseul, alors ministre, tenait grand compte de l'opinion publique à laquelle il avait sacrifié récemment l'ordre détesté des jésuites. Les accusations portées dans le placé contre l'opulente abbaye de Frontenac parurent mériter la plus sérieuse attention. On voulait se donner des airs d'impartialité en se montrant sévère envers le clergé comme envers ses ennemis. Or, il y avait dans la captation dont le comte de Varinas avait été l'objet, surtout dans la mort mystérieuse de son enfant, et dans l'abandon de son immense fortune à la communauté, de quoi soulever l'indignation publique. Il importait donc de faire justice le plus tôt possible, tout en évitant un éclat qui aurait eu de fâcheuses conséquences. Dans ce but, le gouvernement royal s'était décidé à envoyer secrètement à Frontenac un commissaire muni de plein pouvoir, afin d'examiner cette fâcheuse affaire et de la terminer sans bruit. On avait choisi pour cette mission délicate M. de Cambis, homme passionné, violent, mais d'une intégrité à toute épreuve. L'évêque, par son zèle et son activité infatigable, s'était montré digne de sa haute mission. Il était parti de Paris avant qu'aucun avis pût être transmis à Frontenac. Il avait voyagé nuit et jour, sans s'arrêter autrement que pour faire vérifier ses pouvoirs par l'évêque de Mende, et il tombait comme la foudre à l'abbaye, avec une autorité d'autant plus redoutable qu'elle devait s'exercer dans l'ombre et sans contrôle. Le prélat, prenant en main les papiers qu'il avait apportés, et parmi lesquels se trouvait la déclaration de la femme Fargeau et le placé du baron, énuméra longuement les charges qui s'élevaient contre les pères de Frontenac. Il rappela le procès entamé jadis par les La Roche-Boisseau père et fils, proches parents et héritiers légaux des Varinas, et il affirma que la décision des juges sur la validité du testament du feu comte eût été fort différente si l'on eût connu alors les révélations étranges qui s'était produite plus tard. Mais, poursuivit-il, ce n'est pas d'abord sur cette affaire de la succession de Varinas que je veux appeler votre attention, révérend père, que la communauté, dans un désir de lucre et de bien temporel, ait circonvenu un gentilhomme malade dont l'esprit était affaibli, qu'elle ait cru trouver une excuse dans l'hérésie patente, presque avoué des barons de la Roche-Boisseau, pour se faire léguer un héritage auquel ils avaient droit. Ce sont des torts réels sans doute, mais réparables. J'ai qualité pour exiger une restitution en faveur du baron actuel de la Roche-Boisseau, et je n'y manquerai pas, car la justice s'étend aux hérétiques aussi bien qu'aux orthodoxes. Mais ce qui navre le cœur, ce qui excite à la fois l'horreur et l'indignation, c'est qu'un prêtre de cette maison puisse être raisonnablement soupçonné de complicité d'assassinat sur la personne d'un pauvre petit enfant. Cette épouvantable accusation doit avoir le pas sur toutes les autres, et c'est à elle, mes pères, que je vous adjure de répondre en premier lieu. Parlez sans crainte, rien de ce qui va se dire ici ne doit transpirer au dehors, et un secret absolu couvrira vos aveux. Mais il faut que la vérité apparaisse tout entière. Monseigneur le commissaire royal s'arrêta fatigué par cette longue harangue. À son grand étonnement, les assistants manifestaient plus de tristesse que d'effroi. L'abbé lui-même, malgré ses souffrances, ne se montrait pas abattu, et il dit en se redressant avec noblesse « Au nom de Dieu, de la Vierge et de tous les saints, je proteste contre les intentions mauvaises, les scandales et les crimes dont on accuse la communauté de Frontenac, et particulièrement notre cher et vénéreux père prieur. Ces imputations sont fausses, calomnieuses, et le respectable prélat qui m'écoute regrettera un jour de s'en être fait l'écho. » Monsieur de Cambis fronça le sourcil. « Fort bien, révérendissime abbé, répliqua-t-il, mais je ne puis me payer plus longtemps de simples dénégations. J'allègue des faits, et c'est par des faits qu'on doit me répondre. Père prieur de Frontenac, poursuivit-il en s'adressant à Bonaventure, vous avez la plus lourde part dans la responsabilité qui pèse sur l'abbaye. Que pouvez-vous dire pour votre justification ? Bonaventure se leva d'un air modeste. « Monseigneur, répliqua-t-il au milieu d'un profond silence, avant de porter ses accusations contre une maison si ancienne et si illustre, une maison qui a produit tant de défenseurs renommés de la religion, tant de confesseurs de la foi, et qui aujourd'hui encore renferme tant d'hommes éminents par leur science, leur vertu et leur piété. Il eût été juste peut-être et conforme à l'esprit de l'Église de contrôler les témoignages de nos détracteurs. Or, qui sont, d'après les pièces mêmes dont vous venez de nous donner connaissance, ceux qui osent déverser sur nous ces odieuses calomnies ? Je puis sans manquer à la modération les caractériser ainsi. La nourrice du jeune vicomte, une femme faible et timorée, qui cherchait peut-être dans la culpabilité d'autrui une excuse à sa négligence. Puis le garde Fargeau, son mari, un ivrogne qui a voulu me livrer à moi-même, pour une somme d'argent, la pièce fondamentale de cette accusation, et dont j'ai repoussé l'offre avec mépris. Puis enfin, le baron de la Roche-Boisseau, un hérétique, un libertin, qui après avoir dépensé son argent en débauche, a voulu se venger de l'échec qu'il avait éprouvé déjà dans la revendication de l'héritage de son oncle. Quant à Jeannot, cet ancien valet de ferme, dont la déposition pourrait avoir tant d'importance, en ce qui me concerne, il est atteint depuis plusieurs années de cette espèce de monomanie qu'on appelle lycanthropie, et son affirmation ne saurait mériter aucune créance. « Fort bien, » dit le prélat en hochant la tête, « je comprends votre système de défense. Vous voulez mettre la haute réputation de sagesse et de piété dont vous jouissez en regard de l'indignité de vos adversaires. Mais des gens peu estimables par eux-mêmes peuvent avoir dit vrai. Et encore une fois, de simples dénégations ne suffisent pas pour détruire un faisceau de preuves matérielles. Pour ce qui est du monomane Jeannot, l'ancien garde général de Mercoire affirme, sous la garantie du baron de la Roche-Boisseau, que cet homme, malgré son infirmité actuelle, a des instants de lucidité. En conséquence, M. de la Roche-Boisseau et Fargeau se sont mis à la recherche de ce malheureux et ils se font forts dans quelques jours. Je puis leur épargner une démarche fatigante et peut-être périlleuse, répliqua le prieur avec calme. Votre grandeur ne m'a pas compris, monseigneur. Je n'ai nulle intention de renier certains témoignages, et pour vous le prouver, j'avoue que Jeannot a dit la vérité. Tous les pères ici présents savent, en effet, que le soir de la disparition du petit vicomte, je me trouvais dans le voisinage du château de Varinas, avec une personne inconnue. Monseigneur de Cambis bondit sur son siège. Vous avouez ? S'écria-t-il. Comment ? Prêtre indigne et sacrilège, vous osez convenir ? Permettez, monseigneur, nous ne nous entendrons pas encore. Oui, je me trouvais à Varinas lors de la catastrophe, mais je repousse de toute la force de mon innocence le crime que l'on me reproche, si vraiment il y a crime. Alors, comment expliquez-vous ? Je n'explique pas, monseigneur. Un serment solennel que j'ai prononcé et que tous les pères ici présents ont prononcé comme moi, nous défend de dire ce que je faisais alors à Varinas. Et ce serment nous obligera encore à garder le silence le plus absolu sur ce point pendant 2 mois environ. Le prélat parut frappé de surprise. Un serment ? Et qui engage tout le chapitre ? Reprit-il avec un sourire d'incrédulité. C'est là une étrange excuse, et vous me permettrez, mes révérends pères, de la trouver difficilement admissible. Et pourtant, dit l'abbé, notre digne prieur n'a jamais menti. Dans tous les cas, je puis vous délier de votre serment en vertu des pleins pouvoirs spirituels dont je suis revêtu. Avec votre permission, monseigneur, le Saint-Père seul peut annuler un serment, et vous n'êtes pas muni d'un bref de sa sainteté. Eh bien, j'écrirai en cour de Rome afin d'obtenir ce bref, et alors vous n'aurez plus aucun prétexte pour vous taire. En effet, monseigneur, mais Rome est loin d'ici, et la bulle de sa sainteté ne pourrait guère arriver à Frontenac avant 2 mois. Or, dans 2 mois, rien ne s'opposera plus à ce que notre secret soit connu. À merveille, mes pères. Ainsi j'attendrai paisiblement pendant 2 mois qu'il vous plût de vous justifier. Mais il est un autre moyen de vous décider à parler. Je suis prêtre comme vous, et comme vous, j'ai charge d'âme. Je vous somme donc de me révéler, sous le sceau de la confession, les événements qui sont à votre connaissance. Cette proposition produisit une certaine impression sur les membres du chapitre. Ils tournèrent les yeux vers le prieur, qui seul ne montra aucune hésitation, et dit d'un ton ferme. Le cas a été prévu, mes révérends pères. Souvenez-vous des conditions minutieuses qui nous ont été imposées. Quant à moi, je me refuse à trahir, même sous le sceau de la confession, un secret qui a été confié à mon honneur d'homme de bien, à ma foi de ministre des autels. Et nous de même, répétèrent les autres moines. Cette résistance opiniâtre à ses volontés, cette confiance absolue dans le prieur, achevèrent de porter au comble le mécontentement de monsieur de Cambis. Il se leva, et malgré sa petite taille, il y avait sur son visage une telle expression de mépris, d'indignation, de menace, que tous les assistants frémirent. Plus de doute, reprit-il avec un accent contenu, c'est un concert pour éluder les ordres de l'autorité spirituelle et temporelle. C'est une rébellion ouverte contre tout ce qui est respectable, sur la terre et dans le ciel. C'est une ruse pour échapper au châtiment mérité. Si je vous accordais, mes pères, le délai que vous demandez, qui sait quelle machination vous inventeriez encore afin de tromper ma justice ? Vous subissez une influence mauvaise, et cette influence est celle d'un moine audacieux et subtil qui commande ici en maître. Mais je saurais bien abattre son orgueil. Voyons, mes révérends pères, il en est encore temps. Voulez-vous répondre à mes questions ? Voulez-vous enfin vous soustraire aux tentations de cet esprit du mal qui vous souffle la révolte ? Les moines étaient consternés et tremblants, mais ils se taisaient. « Monseigneur, dit le pauvre vieil abbé avec douleur, ce que vous prenez pour de la révolte est seulement la conscience d'un grand devoir. Encore une fois, le jour où la vérité vous sera connue, vous regretterez amèrement votre sévérité et votre précipitation. C'est assez, révérend père, j'en rendrai compte au juge des juges. Eh bien, puisque tout le couvent a péché, tout le couvent partagera la peine et l'expiation. Je m'établis ici, jusqu'à ce que je sois parvenu à dompter votre obstination insensée. J'occuperai une de vos cellules, et la pitance du dernier de vos frères laids me suffira. Je prends de ce moment le gouvernement de ce monastère, que je mets en interdit, suivant les pouvoirs que j'ai reçus. Toutes les fonctions sont suspendues. Il n'y a plus ici ni abbé, ni prieur, ni dignitaire d'aucune sorte, mais des moines indignes en rébellion contre leur Dieu et leur roi. Les cloches de l'abbaye ne sonneront plus. La lampe du sanctuaire sera éteinte. On ne célébrera plus l'office divin dans l'église profanée. On jeûnera chaque jour. L'ordinaire se composera de pain et de légumes cuits à l'eau. La communauté ne pourra plus s'assembler et personne ne franchira la porte du couvent sans une permission expresse. Trois fois par jour, les prophèses et les novices réciteront les psaumes de la pénitence. Cet état de choses durera tant que l'on n'aura pas répondu à mes questions relativement à la succession de Varinas et au meurtre de l'enfant. Celui qui transgresserait ces prescriptions encourait une sentence d'excommunication, quel qu'il fût. Les larmes et les sanglots éclatèrent de toutes parts. Bonaventure éperdu vint se jeter aux pieds de l'évêque. « Oh, mon Seigneur !» s'écria-t-il, « je vous en conjure, ne traitez pas avec cette rigueur une sainte maison où la loi de Dieu et celle des hommes n'ont jamais cessé d'être respectées. S'il y avait un coupable, ce serait moi, moi seul, qui suis chargé des intérêts terrestres de l'abbaye. Vous l'avouez donc de nouveau. Alors, ayez le courage de confesser entièrement vos iniquités, et ma justice épargnera vos frères, plus égarés que coupables, sans doute, pour s'apesantir sur vous seuls. Mais obéir serait un sacrilège. Il y va d'intérêts chers et sacrés qui me sont plus précieux que la vie. Je vous le jure, mon Seigneur, je vous le jure sur mon salut éternel. » Osez-vous parler de votre salut, lévite prévaricateur et anathème? Si je n'écoutais que ma légitime colère, je vous dégraderais à l'instant des saints ordres et je vous livrerais aux bras séculiers. Mais puisque la crainte du scandale m'empêche d'en venir à cette extrémité, ne croyez pas que je vous réserve un châtiment moins dur. Le jour où votre crime sera définitivement prouvé, vous serez jeté dans un cachot où vous ne reverrez jamais la lumière du ciel. En attendant, retirez-vous dans votre cellule. Vous y serez au pain et à l'eau de pénitence. Vous ne communiquerez avec personne. Et les clés m'en seront remises à moi seul. Quiconque vous adresserait la parole sans ma permission spéciale serait frappé aussitôt d'excommunication. » Cette sentence terrible fut accueillie par un redoublement de sanglots, mais Bonaventure, qui avait senti si profondément la douleur et la honte quand il s'agissait du châtiment infligé à la communauté, se montra plein de résignation quand il ne s'agit plus que de lui-même. « Monseigneur, dit-il en croisant ses bras sur sa poitrine, nous sommes peut-être l'un et l'autre dans notre devoir. Que Dieu vous pardonne et vous éclaire. Je me soumets sans murmure à la pénitence qu'il vous a plu de m'imposer. Et nous de même, Monseigneur, répétèrent les membres du chapitre, les uns après les autres, avec humilité. Le commissaire royal parut enfin éprouver un doute sur la culpabilité de ces pauvres religieux. Il était juge sévère, mais sa piété était sincère et profonde. Il fit deux ou trois tours dans la salle d'un air pensif, puis il vint s'agenouiller en silence devant un crucifix d'ivoire qui décorait un panneau de la boiserie. Après avoir prié un moment, il se releva et dit aux moines qui avaient repris leur attitude silencieuse et recueillie. « Excusez-moi, mes pères, j'ai péché par excès de zèle et de présomption humaine. Jusqu'ici, je n'ai pas apporté dans cette affaire la patience et la modération que vous deviez attendre d'un juge. Mes pères, je suspendrai l'effet de mes menaces pendant une heure, à partir de ce moment. Dans cet intervalle, peut-être Dieu vous inspirera-t-il le repentir et la confiance. Mais si vos cœurs restaient endurcis, vous ne vous en prendriez qu'à vous des suites de votre obstination. Délibérez donc avec calme. Je vais attendre dans une cellule voisine le résultat de vos réflexions. Et l'heure expirée, je viendrai savoir votre réponse. Que la paix soit avec vous, mes référents pères. Et il sortit d'un pas mesuré, laissant les moines libres de se communiquer leurs craintes et leurs projets. Après son départ, les lamentations continuèrent, mais aucun doute, aucune incertitude ne se manifesta sur le parti à prendre. Les membres du chapitre furent d'accord unanimement qu'il valait mieux subir les humiliations et les rigueurs que de trahir un secret confié à leur conscience et bonne aventure, par quelques mots bien sentis, les confirma dans cette résolution. « Mes chers pères, leur dit-il d'une voix émue, il nous serait facile de renverser l'échafaudage de calomnie qu'on dresse contre nous, mais nous ne pourrions le faire sans violer des scrupules respectables. Acceptons donc, avec résignation, l'épreuve que le ciel nous envoie. Nous en sortirons plus forts et plus purs. Gardons-nous cependant de blâmer la main qui nous frappe. Les plus fidèles serviteurs de Dieu sont eux-mêmes sujets à l'erreur. Le jour, et ce jour n'est pas bien éloigné, où éclatera notre innocence, nous nous relèverons dans notre force et notre dignité. » Tous les moines s'embrassèrent, puis Bonaventure parut se disposer à quitter le chapitre. « Quoi, père prieur ? » dit le vieil abbé avec inquiétude. « Allez-vous nous abandonner encore ? Monseigneur de Cambis ne tardera pas à rentrer, et je me sens bien faible pour supporter le poids de sa colère. » « Je ne serai absent qu'un moment, » répliqua Bonaventure. « Je veux profiter du court répit qu'on nous accorde pour exécuter un projet dont l'ajournement pourrait rencontrer plus tard certaines difficultés. » Et il dit à voix basse au supérieur ce dont il s'agissait. « Bien, bien, cher prieur, vous avez toujours raison, » répondit l'abbé. « Allez donc et revenez bien vite pour nous prêter l'appui de votre prudence et de votre courage. » Le prieur s'inclina et sortit. Il traversa précipitamment les corridors silencieux, les cloîtres, les cours et se dirigea vers le pavillon des hôtes. Tout était calme sur son chemin. Le couvent avait son aspect accoutumé. Aucun signe n'annonçait encore l'exécution de la sentence portée par l'évêque contre la malheureuse abbaye. Les portes étaient ouvertes. Chacun pouvait entrer et sortir librement. Bonaventure crut seulement s'apercevoir que les pères et les frères qui passaient près de lui, en lui adressant le salut d'usage, avaient un air triste, abattu, comme s'ils eussent pressenti le cruel changement qui se préparait. Léonce, dans son petit appartement, achevait de faire empaqueter les armes et les effets qu'il comptait emporter. À la vue du prieur, il courut au-devant de lui, et dit avec inquiétude « Eh bien, mon oncle, viendriez-vous m'apporter contre ordre ?»« Au contraire, mon enfant, » dit Bonaventure, « toute réflexion faite, je ne veux pas davantage contrarier vos désirs. Comme vous le disiez vous-même, le temps se passe et vous pourriez manquer l'occasion favorable de mener à bien votre entreprise. Ainsi donc, je vous donne congé et je reçois vos adieux. Vous allez partir à l'instant même. » À l'instant, mon oncle, s'écria Léonce avec étonnement. Pourquoi non? Vous irez coucher ce soir à Mende avec vos gens et vous vous mettrez demain matin de bonne heure en route pour les montagnes de Mézinc. De la sorte, vous gagnerez un jour et ce peut être important dans une semblable affaire. « Mes amis, poursuivit-il, en s'adressant à Denis et à Gervais, qui fermaient les valises, chargez immédiatement ces bagages sur les chevaux et sur le mulet de bas qui appartiennent à mon neveu. Allez, et que tout soit prêt dans 10 minutes. » Le piqueur et Gervais obéirent. Quand ils se furent éloignés, Léon se demanda vivement « Mon bon oncle, que se passe-t-il donc ? Votre subite détermination, cet empressement à me voir partir, quand ce matin encore vous paraissiez éprouver tant de répugnance pour ce voyage, me donne à penser. Et puis, vous êtes pâle, vos joues portent des traces de larmes. Que vous est-il arrivé ? Vous ne vous attendiez pas sans doute, mon enfant, que notre séparation pût s'accomplir sans de vifs regrets de ma part ? Mais laissons cela, mon cher Léonce, et écoutez mes conseils, les derniers sans doute que vous recevrez de moi d'ici à bien longtemps. » Il donna en peu de mots à son neveu des instructions sages et pleines de prudence, auxquelles le jeune homme promit de se conformer. Puis il poursuivit avec émotion. « Et maintenant, mon fils, encore une recommandation plus sérieuse que vous ne pourriez le croire. J'ai cherché déjà bien des fois à vous prémunir contre certaines calomnies que des ennemis puissants se plaisent à répandre contre les pères de Frontenac, contre moi-même. Fermez toujours l'oreille, je vous en conjure, à ces détestables mensonges. Quand le monde entier s'élèverait contre nous, laissez-moi espérer que vous nous garderez pieusement dans votre cœur des sentiments d'estime et de reconnaissance. » En pouvez-vous douter, mon oncle ? Interrompit Léonce avec chaleur. Si quelqu'un avait l'audace de soutenir devant moi, ne cherchez pas à combattre ces viles médisances, mon enfant. Elles tomberont bientôt d'elles-mêmes. Il me suffit de savoir que vous ne leur accorderez aucune créance. Et à ce propos, mon fils, il se pourrait que dans vos courses aventureuses, vous rencontrassiez le baron de La Roche-Boisseau. J'exige encore de mon jeune parent, de mon pupille bien-aimé, sa parole solennelle qu'il n'engagera de querelle en aucune circonstance et sous aucun prétexte avec le baron. Peut-il me la donner ? Je ne vois pas, mon oncle, pourquoi j'aurais des ménagements pour cet indigne gentilhomme qui a si gravement offensé Mademoiselle de Barjac et qui vous a outragé vous-même. Mademoiselle de Barjac s'est vengée et moi, je suis chrétien, je sais pardonner. J'ai de fortes raisons, mon enfant, pour réclamer de vous cet engagement. Cher Léonce, refuserez-vous de le prendre ? Léonce fit la promesse exigée, mais avec une visible répugnance. Alors l'oncle et le neveu s'embrassèrent cordialement. L'un et l'autre avaient les yeux pleins de larmes. « Allons, il est temps, » reprit courageusement le prieur. « Venez, je transmettrai vos adieux à ceux de nos pères dont vous êtes particulièrement l'élève et l'ami. Ils excuseront ce départ inopiné. Mais c'est à peine s'il nous reste quelques minutes. » Tout en parlant, il entraînait son neveu vers la cour. « Et quoi, mon oncle ? » demanda Léonce. « Mon départ de cette abbaye, qui est pour moi comme la maison paternelle, doit-il donc avoir le caractère d'une retraite furtive, d'une fuite ? » ?»« Je vous expliquerai cela plus tard. Mais l'on m'attend. Venez, venez. » À la porte du couvent, ils trouvèrent Denis et Gervais qui avaient fait diligence. Les deux chevaux de main étaient déjà scellés. Le mulet était chargé de bagages et le piqueur tenait en laisse le limier et le dogue qui grondaient tout bas de se voir si près l'un de l'autre. Bonaventure recommanda chaleureusement son neveu aux deux valets, leur promettant les plus magnifiques récompenses s'ils le ramenaient sain et sauf. Ces braves gens renouvelèrent leur promesse de défendre leur jeune maître jusqu'à la mort. Puis ils partirent en avant, car Léonce, mieux monté, ne pouvait manquer de les atteindre bientôt. Demeurés seuls, l'oncle et le neveu s'embrassèrent de nouveau, et Léonce se mit en selle. « Que Dieu vous bénisse, mon enfant, dit le prieur, qu'il vous protège contre les dangers et qu'il vous fasse réussir dans votre entreprise. Surtout, qu'il vous ramène bientôt au milieu de vos amis. » Le voyageur s'éloigna lentement, non sans retourner plusieurs fois la tête, et le moine, tout en larmes, rentra dans l'abbaye en murmurant « Que mon sort s'accomplisse, voici du moins une grande affliction d'éviter. Il m'eût été trop pénible d'avoir ce noble enfant pour témoin de mon humiliation, et d'ailleurs, il eût tout compromis par quelque démarche imprudente. Ah, il ne saura jamais combien son élévation m'aura coûté cher. » Et il courut à la chambre de l'abbé, où il arriva peu de minutes seulement, avant l'heure fixée par l'évêque. Fin de la section 18, lue par Margot.